J'en ai les yeux tout rouges encore de cette nuit où même l'aurore n'a pas dormi. Si tu m'avais aimé, et si je t'avais aimé, moi aussi, nous aurions fêté noces d'or. Un cœur gravé dans du bois mort, transpercé d'une flèche, alors nous aurions eu comme une vie. J'en ai des larmes dans la voix de chanter qu'on ne s'aime pas quand d'autres s'aiment à la folie. Pourtant le noir était si tendre qu'il vit nos deux corps se pendre à ses bras chauds toute la nuit. Ton corps m'a fait si bien asile que j'avais découvert une île. L'amour était bateau et port. L'amour était bateau et port. L'amour était bateau et port. Je n'ai parlé que de tes seins. À présent dont je veux demain pouvoir dire qu'il existe encore. Peut-être inventerons-nous un jour un sentiment presque d'amour sans qu'il ne puisse devenir mort. Ce moment de rosée si doux allait accueillir le mois d'août, mais il fait déjà froid dehors. Mais il fait déjà froid dehors. Mais il fait déjà froid dehors. J'ai trop besoin d'eau.